Salut les siens. Salut les siens. Tranquille. Ça vient rentrer l'année prochaine. Ah, il y a le prof. Salut les siens. Qu'est-ce que ça veut dire? Les siens, tu m'entends? Tu m'entends? Lui, mais c'est certain. Il passe la station. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon.